Michée chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme quand on accueillit les fruits d'été, et les grappillages de la vendange, il n'y a point de grappes pour manger, et mon âme désirait des premiers fruits. Le débonnaire est péri de dessus la terre, et il n'y a pas un homme juste entre les hommes, ils sont tous en embûche pour verser le sang, chacun chasse après son frère avec des filets. Pour faire du mal avec les deux mains, le gouverneur exige, et le juge court après la récompense. Et les grands ne parlent que des outrages qu'ils souhaitent, et qu'ils entortillent. Le plus homme de bien d'entre eux est comme une ronce, et le plus juste est pire qu'une aide d'épine. Ta visitation, qui est le jour de tes surveillants, est venue, et leur perplexité sera bientôt. Ne croyez point à votre intime ami, et ne vous confiez point en vos conducteurs, garde-toi d'ouvrir ta bouche devant la femme qui dort en ton sein. Car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, et les domestiques de chacun sont ses ennemis. Mais moi, je serai au guet, attendant l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Toi, mon ennemi, ne te réjouis point sur moi, si je suis tombé, je me relèverai, si j'ai été gisante dans les ténèbres, l'Éternel m'éclairera. Je porterai l'indignation de l'Éternel, parce que j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il ait défendu ma cause, et qu'il m'ait fait justice, il me conduira à la lumière, je verrai sa justice. Et mon ennemi le verra, et la honte la couvrira, celle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu, mes yeux la verront, et elle sera bientôt pour être foulée comme la boue des rues. Autant qu'il rebâtira tes cloisons, en ce temps-là les édits seront étendus au loin. En ce temps-là on viendra jusqu'à toi, même d'Assyrie et des villes fortes, et depuis les villes fortes jusqu'au fleuve, et depuis une mer jusqu'à l'autre, et depuis une montagne jusqu'à l'autre montagne. Après que le pays aura été en désolation à cause de ses habitants, et pour le fruit de leurs actions. Paix avec ta houlette ton peuple, le troupeau de ton héritage, qui demeure seul dans les forêts au milieu de Carmel, et fait qu'il paisse en Bazan et en Galaa, comme autant d'autrefois. Je lui ferai voir des choses merveilleuses, comme au temps que tu sortis du pays d'Égypte. Les nations le verront, et elles seront honteuses avec toute leur force, elles mettront la main sur la bouche, et leurs oreilles seront sourdes. Elles lécheront la poudre comme le serpent, et trembleront dans leurs enclos comme les reptiles de la terre, elles accourront toutes effrayées vers l'Éternel, notre Dieu, et te craindront. Qui est le Dieu fort comme toi, qui est un Dieu qui ôte l'iniquité, et qui passe par-dessus les péchés du reste de son héritage? Il ne tient point à toujours sa colère, parce qu'il se plaît en la gratuité. Il aura encore compassion de nous, il effacera nos iniquités, et jettera tous nos péchés au fond de la mer. Tu maintiendras ta vérité à Jacob, et ta gratuité à Abraham, laquelle tu as juré à nos pères dès les siècles passés.